Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler avec notre ami Roger Brulotte. Salut Roger. Salut Danny. Hey Roger, je veux te parler de la pub de Patrick Harouard et de Mario Tremblay, Hubert Eves. Je ne sais pas comment ça a coûté, mais c'est un coup de génie qu'ils ont fait. Hein? Mais la compagnie a fait un coup de génie sans aucun doute. De réunir les deux, ça me fait penser à l'époque de Jacques Lamer et Michel Bergeron qui avaient fait une publicité pour une compagnie de breuvage. Et là, on voit ça. Je pense que la compagnie a réussi quelque chose de bon. Ils ont sorti ça en plein milieu des séries. Je pense que c'était bien fait. La pub est bien faite aussi. Il n'y a pas trop de texte. Il faut donner crédit aux joueurs qui ont accepté de faire cette pub-là aussi. Il ne faut pas oublier ça. Ils ont vécu des moments assez contradictoires un et l'autre. Ouais. Ils ont accepté d'embarquer dans le jeu. Puis je pense qu'ils ont très bien fait ça tous les deux. Ouais. Roger, hier, Canadien. J'espérais que ça se termine hier pour avoir un ménage. J'ai hâte que... J'aimerais ça voir Patrick au deuxième étage, mais je pense que ça va se rendre en 7. Moi, c'est drôle, hein? Ben, écoute, bien, faire un ménage, il faut tout que tu regardes la saison que l'équipe a connue. Et pourquoi qu'elle a connu une saison de même? Tu sais, la saison du Canadien, tu la mets en trois plans. Le premier début de saison, ça a bien été. Ensuite, ça, tu as eu la séquence de blessures. Et la séquence de blessures a été difficile pour l'équipe. D'ailleurs, ça les a empêchés de terminer au deuxième rang, je pense. Ouais. Mais dans les séries, là, encore une fois, tu as eu un bon match. Sur les cinq matchs qu'ils ont disputés jusqu'à présent, ils en ont joué deux bons. Mais les trois autres, là, c'est un peu désiré. Et moi, je pense que demain, ça, le Canadien va gagner. C'est drôle, hein? Puis il y aura un septième match. Mais tu sais, dans n'importe quel sport, une fois que le match s'amorce, tu sais jamais ce qui va arriver. Ouais. Tu prends Price hier, tu sais. J'espère que les gens vont commencer à être... juste envers lui, il dit oui, c'est le meilleur au monde. J'espère qu'ils comprennent. Là. Tu regardes les arrêts qu'il a fait. UTT de Price dans ces séries-là, ça aurait fini 4 matchs 10-0. Ouais. Il a été encore hier, en troisième période, les échappés. Tu regardes les buts d'hier, il est responsable d'aucun but. Et tout au long de la série, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il était faible sur un des buts. C'était des lancers déviés, puis il a fait des arrêts clés. Ouais. Parce que je pense quand on regarde Price, tu sais, des fois, on a tendance à regarder les matchs pendant la saison. Et c'est pas toujours la même chose. Ouais. Et quand les équipes disent au sein de leurs joueurs, le meilleur gardien de but, c'est Price, tous les joueurs de la Ligue nationale ne peuvent pas se tromper. Ouais. Et le gars qu'on a vu dans les séries, si les gens se posent la question qui va être aux Olympiques, j'espère que vous ne posez pas de questions. Là. J'espère. S'ils ont l'état de santé. Moi, mon choix, c'est Marc-André Fleury, qui fait une bonne job aussi. Moi, c'est. Mais Price a plus d'expérience, puis c'est politique aussi. Hein? Mais Price avec Pittsburgh, penses-tu qu'ils se font éliminer? Je pense pas. Ouais. Ben, c'est sûr que Tristan Jarry est très, très faible dans deux matchs. Mais Price, tu sais, à chaque fois que tu as vu Price avec une bonne équipe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours gagné. Ouais. À tous les championnats qui ont participé avec une bonne équipe, il a gagné. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Roger, on va parler maintenant du côté. Je veux parler d'Alex Manoah. Tu l'as vu hier? Parce qu'il était très bon, hein? Excuse-moi, ça a coupé. T'as-tu regardé le match des Blue Jays hier avec Alex Manoah en Monticule? Il était très impressionnant. On va dire une affaire, là. Il m'a surpris. Je pensais pas qu'il était pour être aussi confiant au Monticule. Ouais. Tu sais, j'avais hâte de voir, parce que quand tu vois un jeune lanceur qui s'en vient, tu regardes toujours les deux, trois premières manches. Et ça commençait avec un but sur balle. Et là, l'arbitre lui a donné une chance face au deuxième frappeur. Il a donné une prise un peu à l'extérieur. J'ai trouvé que l'expérience de l'arbitre a aidé sur ce jeu-là. Il a donné une prise. Après ça, il a été incroyable. Incroyable. Il a été dominant. Il y a quelque chose de spécial à ce petit gars-là. L'affaire qui est drôle, c'est à chaque fois qu'il change de balle, il se met à côté du monticule, puis il frotte la balle, puis il regarde le frappeur. Puis après ça, il revient. Mais sur sa balle rapide, il a montré un bon changement de vitesse, qu'à cet âge-là, rarement que tu le maîtrises, parce qu'il n'a pas effectué beaucoup de manches lancées dans le baseball professionnel. C'est encourageant de voir ce qu'il a donné. Y a-t-il 200 manches dans le baseball professionnel? Non. Même pas, hein? Je pense qu'il y a à peine 6 matchs. En 2019, puis là. Parce que moi, je regarde lui, c'est encourageant de voir, parce qu'il peut rentrer dans la rotation comme quatrième lanceur. Je pense qu'il peut le faire. Et ça, je parlais avec Jacques tantôt, je pense que ça prend au moins deux releveurs chez les Blue Jays actuellement. Oh, ça prend plus que ça. Ouais. Ça prend un autre lanceur partant, sans aucun doute. Ouais. Et ça prend un lanceur de longue relève qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas de lanceur de relève qui peut te donner deux ou trois manches. Non. C'est ça qui leur manque. Ouais. S'ils veulent chercher un bon lanceur de relève qui donne deux manches, avec Romano pour finir les matchs, tu vas être pas pire. Ouais. Mais ça prend un autre lanceur de relève et un autre lanceur partant, sans aucun doute. Ouais. Tu cognes à la porte où pour ça? Je pense qu'ils ont un excès de voltigeurs et c'est là qu'ils doivent bouger. Il y a des bons jeunes dans le réseau des filiales également, fait que qui peut être intéressant aussi. Oui, mais là, parce que le problème, c'est que si tu regardes autour, il n'y a personne d'éliminé présentement. Il n'y a pas d'équipe d'éliminé. Peut-être le 1er juillet, ils vont en avoir d'éliminé. Ou peut-être une équipe qui veut aspirer un championnat, manque un voltigeur, tu peux sacrifier un de tes voltigeurs et aller chercher un lanceur de relève qui pourra t'aider. Ouais. C'est là qu'il faut que tu regardes. Ouais. Roger, on s'en reparle vendredi prochain. OK. C'est le commentaire de Roger Boulay.